si vite disparu. Jusqu'à la majorité disciplinée, jusqu'au bulletin de vote dans l'urne, hier et aujourd'hui, ce n'est t'as pourtant bien appris ta leçon. Acquiesce le moment, accepte l'instant. Le respect n'existe que le fantôme du bon, le spectre du mal, à quoi bon l'équilibre bien stable? Les puissants sont lâches, sans intérêt. Leur valeur si vite oubliée. Tout est affaire d'illusion, sensation. Tout est affaire d'appréciation, tout est affaire d'exécution. Tout est affaire de consommation, tout est affaire de répartition. Affaire de consolation, tout est affaire d'illusion. Tout est affaire de consommation.